automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les Geeks Contre-Attaque peuvent les lire pour vous! 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aie fini de parler? Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Ce soir, à l'aérospatiale, un spécial foire pour marquer le début de la 4e édition de la foire en art actuel de Québec, avec des artistes, des organisateurs, des collectionneurs, le commissaire, des galeristes, en fait tout le monde y est, et même vous, chers auditrices et auditeurs. Alors, bienvenue à cette édition du 22 novembre de l'aérospatiale. Sarah Bélanger-Martel avec vous pour la prochaine heure pour une émission spéciale dédiée à la foire en art actuel de Québec. Alors, effectivement, on a la chance d'avoir à Québec dans les prochains jours cette foire, la FAAQ, qui va établir ses quartiers dans les salles d'exposition des centres d'artistes Vue Photo et L'Œil de Poisson. Donc, ça va se passer du 24 au 27 novembre prochain. C'est un événement de quelques jours à peine, mais vous allez voir, c'est très bien rempli parce qu'on a près d'une trentaine d'artistes de Québec et d'ailleurs dans la province, et toute une série d'activités qui s'adressent tout autant aux collectionneurs, collectionneuses, qu'aux familles, qu'aux enthousiastes des amateurs d'art. Alors vraiment, il y en a pour tout le monde. Et pour vous donner un avant-goût de la foire, alors on a choisi ce soir de vous présenter vraiment une série d'invités pour explorer toutes sortes d'enjeux autour d'un événement comme celui-ci. On a deux tables rondes, dont en première partie, en début d'émission, vous allez avoir la chance d'entendre l'artiste Jean-Pierre Morin, qui est membre du CA de la Foire. Il y a également la présidente du CA et collectionneuse d'art contemporain, Marie-Christine Morin, qui sera avec nous, et le commissaire de cette 4e édition, Emmanuel Galland. En deuxième partie d'émission, on recevra l'artiste Vincent Hinz du collectif Acapulco, dont le travail est présenté dans le cadre de la foire. On aura également Paul Brunette de la galerie Lacerte Contemporain qui participe encore une fois cette année à la foire. Et on aura même des gens de l'off-foire, alors l'alternative foire, dont l'artiste Julie Bouffard qui va venir nous parler de cette initiative. Donc, deux tables bien remplies d'échanges sans aucun doute fort nourrissants. Alors, on espère que ça vous donne l'eau à la bouche. Mais tout d'abord, ce soir, on vous présente un court extrait musical de la sélection audio de Simon Roy. Donc cette semaine, on y va avec ça et on vous revient tout de suite après. We'll be right back. Alors, le studio s'est rempli rapidement autour de moi. J'ai des beaux invités à la table. Donc, Marie-Christine Morin, bonsoir. Bonsoir. Marie-Christine, tu es présidente du CA, de la Foire en art actuel de Québec. Oui, exactement. Et tu es également impliquée dans le milieu artistique. On a la chance d'avoir la plupart des gens qui sont ici ce soir sont également artistes. On aime toujours à l'aérospatiale avoir le point de vue des artistes. Alors, tant mieux quand ils sont aussi impliqués dans d'autres événements, dont Jean-Pierre Morin qui est avec nous ici ce soir. Jean-Pierre Morin, artiste de Québec, qui est aussi impliqué sur le CA de la Foire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et on a aussi Emmanuel Galland, le commissaire pour cette quatrième édition de la Foire en art actuel. Bonsoir. Alors, bonsoir. Ce soir, on a voulu vous rassembler. Bon, évidemment, on fait un peu une émission spéciale Foire pour vous donner aux auditrices, auditeurs, un avant-goût de ce que va être la Foire. Mais on voulait aussi aborder des enjeux de façon plus générale autour des foires et peut-être pour entrer dans le vif du sujet et parler de cette Foire en art actuel de Québec qui est quand même relativement jeune, hein, c'est sa quatrième édition. Est-ce que vous pourriez me décrire peut-être, Marie-Christine, toi qui est dans l'organisation de l'événement, quelle est sa spécificité? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette foire-là, cet événement-là, par rapport à d'autres foires peut-être qu'on connaît au Québec ou ailleurs? Oui, oui. La foire a été fondée, là, c'est ça, il y a 4 ans par 4 jeunes historiennes de l'art qui avaient vraiment à cœur là, de proposer un nouveau modèle là, de diffusion et de vente ici à Québec, parce qu'on n'avait pas de foire à Québec. Il y en a peu au Québec. Il y a Papier à Montréal, il y a la foire de Saint-Lambert. Mais voilà. Et puis, leur objectif, c'était vraiment de permettre à des artistes qui n'étaient pas représentés en galerie de pouvoir avoir une vitrine et puis aussi de développer, démocratiser l'achat d'œuvres d'art. Donc, essayer d'éveiller là, la passion du collectionnement chez des nouveaux collectionneurs. Est-ce qu'à Québec, il y a déjà un gros marché de collectionneurs? Est-ce que c'est parce que tu es toi-même collectionneuse oui. également? Est-ce que c'est un marché qui est bien réseauté? Est-ce que c'est quelque chose qui existe où les gens doivent aller voir le marché de l'art à Montréal ou ailleurs On a tellement d'artistes ici à Québec là, on a l'embarras du choix en tant que collectionneur. Et puis oui, il y a des réseaux qui existent, mais beaucoup autour des galeries privées, je dirais. Alors chaque galerie a son réseau d'artistes, ont leurs fidèles clients qui reviennent, qui suivent les artistes aussi, qui sont représentés, tout ça. Alors, avec la foire, on voulait vraiment créer une symbiose aussi, parce que les galeries sont invitées à la foire. Donc, on a d'une part la majorité des artistes qui sont non représentés, mais on a aussi 4 galeries qui participent à la foire cette année. Je peux les nommer, il y a la Galerie 3, la Galerie La Certe, Galerie Michel Guimond, et aussi la Galerie 3 Points de Montréal, qui se joint à nous cette année. Mm-hmm. Et d'ailleurs, dans les artistes qui seront présentés, il y a une bonne portion d'artistes qui sont de la ville de Québec et peut-être on pourrait entendre Emmanuel à ce sujet-là. Il y a toute une diversité d'artistes. Donc à peu près le tiers Québec, tiers Montréal, tiers ailleurs non, ou non, moins non, que ça. Non, pas du tout. C'est pas une question de quota, mais comme l'a dit Marie-Christine, c'est la foire d'art actuel de Québec et non pas du Québec. Un jour peut-être ça pourra changer de titre, mais comme le musée du Québec, on dit le musée du Québec, mais les gens l'appellent aussi le musée de Québec. Mm-hmm. Il y a la moitié d'artistes de Montréal ou de la région la moitié des artistes sont en provenance de Québec ou de la région de la capitale nationale. Mm-hmm. Et il y a donc sur 25, il y en a 10 qui sont de Montréal. Mais quand on dit de Montréal, il ne faut jamais oublier que la plupart des gens de Montréal, au moins la moitié de ces gens-là, ils viennent des régions. D'ailleurs, ils viennent ouais. du Saguenay, ils deviennent Montréalais, voire Montréalistes quelquefois, mais pas, ils ne sont pas tous anti-Québec capitale. Mm-hmm. Et puis on a Carl Bouchard qui vient de Chicoutimi, ville de Saguenay. donc un artiste carrière avancée, et aussi de New York, c'est notre découverte cette année, c'est Guillaume Légaré, qui est un gars de Québec, mais qui est exilé, si on veut, qui vit et travaille à New York, et que moi j'ai découvert au moment de mes recherches que je faisais sur Québec aux alentours, à Regard, l'exposition anniversaire cet été, qui était présentée par Jeanne Couture, elle-même, la cofondatrice de la foire, il y a 4 ans. Et donc une belle découverte, là, un photographe, très très bon photographe, qui est donc dans le volet vue, hein, puisque comme vous l'avez dit tantôt, il y a vue et l'œil de poisson. Vue s'ajoute à son voisin cette année, donc ça fait doubler les espaces quasiment de la foire. À Méduse, donc c'est bien, ça se concentre autour de Méduse. Et comme le disait tantôt aussi Marie-Christine, c'est que c'est un événement dirigé vers les artistes, les individus, les artistes non représentés. Hein, ce ne sont pas des bâtards, excusez-moi l'expression. Les artistes non représentés, ce sont de très bons artistes qui ne veulent pas être en galerie ou qui rencontrent pas un certain marché pour le moment, mais ou alors qui sont émergents, etc. Donc il y a beaucoup d'artistes, et parmi les 25 non représentés cette année, il y a des artistes de, je dirais, de 20 ans à 60 ans. Mm-hmm. J'ai voulu aussi que ce soit transgénérationnel. Mm-hmm. La question de l'émergence, la découverte, c'est important. Là, des nouveaux noms, qui deviennent des nouvelles saveurs, puis on les oublie vite, etc. Mais il y a beaucoup d'artistes au-dessus de 40 ans qui sont performants, c'est un mauvais terme, là, mais qui sont tout autant dans l'exploration, etc. Donc, un artiste de Chicoutimi à New York et le troisième qui vient de l'extérieur des Îles de la Madeleine. Les Îles de la Madeleine, voilà, Ioannis Mengué, que vous avez vu à Québec dernièrement, je vais le nommer, au Cercle Lab Créatif, avec un gros solo autour de ses photos noir et blanc. Qui a été publié d'ailleurs dans un livre. Oui, un grand livre aux éditions, il y a une belle maison d'édition aux Îles de la Madeleine qu'on ne connaît pas assez, qui s'appelle les éditions de la Morue Verte. Il y a des Français qui m'ont ri dessus, parce que ça s'appelle La Morue Verte, mais ils n'ont pas vu ce livre-là, qui est magnifique, hardcover, qui va gagner des prix, c'est certain, et l'exposition, elle tourne. Mais là, il nous présente des photographies, entre autres exclusives, du Nunavik, où il est allé en résidence d'artiste, c'est une résidence du Calque. Il est allé là cet été pendant 2 mois, pour une première exploration, immersion totale, avec un jeune chasseur, pêcheur, etc. Et là, il y aura 2 de ces photos en exclusivité à vue aussi. Donc très très diversifié, d'après ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a quelque chose tout de même est-ce qu'il y a quelque chose qui a guidé votre sélection, un espèce de lien conducteur entre tout ça, ou c'était vraiment des coups de cœur pour chaque artiste? Est-ce que je vais vous faire rire en disant que c'est moi le fil conducteur? Non, mais tu sais, le commissaire, auteur, etc. Non, le fil conducteur, c'est à partir de certaines règles qui ne sont pas des quotas, hein, comme je disais tantôt, la moitié des artistes sont en provenance de Québec ou des environs. Ensuite, ma volonté d'avoir une sélection qui est plutôt transgénérationnelle, et c'est ce que je fais souvent dans mes expositions. Donc là, je me répète, mais je trouve que c'est à raison d'avoir des. Et c'est souvent des artistes qui se. Tu sais, ça, Jean-Pierre, je pense qu'il ne dira pas le contraire. Dans les expositions de groupe, c'est rare qu'on fasse ça dans les grands musées, etc. Et on devrait, parce qu'il y a des liens formels, esthétiques, il y a des goûts communs entre les différentes générations. On mange la même chose, on est dans la même culture. Tu sais, puis il y a des choses qui demeurent d'une génération à l'autre. Absolument, oui. Ben oui. Puis donc, sinon, le fil conducteur, ben c'est immanquablement, Marie-Christine le dirait, elle l'a dit déjà auparavant, c'est sur la photo. Cette année, on a vu, qu'on appelle maintenant VU et non plus le Centre VU ou Son Artiste VU en photo, je ne sais quoi, ça s'appelle VU, VU. Et donc, et photo depuis qu'il existe, depuis une trentaine d'années. Donc, la gageure, ça a été de respecter le mandat, même si je n'avais pas de comité de programmation avec moi. J'étais accompagné superbement par Marie-Christine et toutes ses connaissances du milieu de Québec et de l'organisation de la foire. Ça, c'était. C'était extrêmement important. Et donc, la gageure, c'était de dire, bah oui, on va présenter de la photo à vue, principalement. Mm-hmm. Mais finalement, ça déborde aussi sur l'œil, parce que j'ai remarqué, je le savais, mais ça s'est confirmé, que beaucoup d'artistes aujourd'hui, qui sont en performance, en peinture ou autre, immanquablement, ils vont être intéressés à faire des séries photographiques ou des éditions photographiques, de la nature numérique de nos supports, même de documentation. de nos œuvres, hein, dans les expositions, dans les galeries, fait en sorte qu'il y a cet outil-là, ce support-là, et ça se traduit par de la photo aussi souvent. Alors que là, il y a des artistes, qui je pourrais dire, par exemple, du côté de l'œil de poisson, qui s'est mis à faire la photo. Geoffrey Poirier, par exemple, qui est plus connu pour du 3D, sculpture installative, oui, des environnements, et puis il travaille de façon originale aussi avec un matériau qui s'appelle le duct tape. En bon français, on appelle ça du ruban adhésif gommé, mais on va dire duct tape. Et non pas le ruban de canard. Non. Et donc lui, il s'est mis à faire de la photo, et puis j'ai dit ok, on y va, on avance. Acapulco aussi, vous connaissez le collectif Acapulco. Donc on va recevoir d'ailleurs un des membres du collectif en deuxième moitié d'émission. Non. Oui, Vincent. Vincent Hinze. Voilà. Et donc le collectif Acapulco, ils sont trois, c'est un trio, et eux présentent ils ont jamais vraiment exposé en galerie ou entre quatre murs dans une white box, donc ils travaillent surtout sur la rue, sur le domaine public avec des projets ex-muraux. Vous connaissez l'organisme qui fait vivre les rues aussi. Jean-Pierre, tu as fait quelque chose avec ex-muraux, c'est ça, voilà. Et donc eux, le grand questionnement, tu sais, chaque artiste, je suis allé les visiter au moins 2 heures dans leur atelier. C'est pas du travail, c'est un grand privilège de pouvoir rentrer. Mais donc très très intense, en ne voulant pas les influencer sur la nature des travaux, mais en faisant une sélection avec eux, en leur disant des travaux récents ou moins récents, parce que souvent un artiste, il va vouloir présenter du neuf. Du tout neuf, du tout chaud encore. Là, je calmais leurs ardeurs et je leur disais merci pour cette générosité, mais l'exposition, elle est dans 2 mois. Un, je veux pas que tu t'endettes trop. Puis deux, est-ce qu'on a la capacité que ça sorte aussi? Alors, tu sais, quand t'es commissaire, tu fais un plan. Alors là, je m'en suis sorti en faisant un plan A et un plan B. Je me suis trouvé très, très intelligent. Je me suis dit, plan A, ok, on a ce qui est au mur, on embarque avec ça. Plan B, il y aura tes nouvelles œuvres aussi. Puis des fois, on est resté dans le A, des fois, on est allé dans le B. Avec Marie Fréchette, une jeune artiste aussi qui est une découverte, puisqu'elle termine sa maîtrise à l'Université Laval actuellement. On est resté dans le plan A finalement. Mais c'est très heureux. Marie-Ève qui présentera des sculptures. Tournicoté, tourniboule, tourneboulé, je ne sais pas comment on peut le dire. Ouais. C'est intéressant, Sarah, qu'on parle de fil conducteur. Dans le fond, c'est le choix du commissaire, là, parce que c'est vraiment une des particularités de la foire, c'est que les œuvres ne sont pas présentées. En fait, l'artiste ne présente pas son travail dans des kiosque. Alors là, c'est installé à la façon d'une exposition collective. Alors ça, c'est vraiment ce qui nous démarque des autres foires. Et c'est pourquoi on fait appel à un commissaire pour faire le choix des œuvres. Oui, et puis une chance que vous avez plus grand espace cette année parce que il y a vraiment beaucoup d'artistes, donc 29 artistes qui seront présentés. Et d'ailleurs, parlant d'artistes, Jean-Pierre, j'aimerais te poser une question d'un point de vue d'artiste. Toi, t'as exposé, t'as fait des travaux d'art public, t'as exposé dans une variété de contextes, de lieux de diffusion. Qu'est-ce qui est particulier ou qu'est-ce qui est spécifique à cette occasion-là de diffusion de la foire? Puis peut-être que ça fait partie des raisons qui t'ont amené à t'impliquer davantage auprès de la foire. Ce qui est particulier, c'est que, comme le disait Marie-Christine, c'est l'opportunité pour les artistes qui ne sont pas représentés de montrer leur travail, de se faire voir, de se faire remarquer. Et pour les galeries qui présentent le travail d'un artiste, c'est aussi une façon de démontrer, de faire voir la galerie, de faire voir la liste des artistes de cette galerie-là. Puis c'est un bel événement. J'ai côtoyé quelques artistes qui vont participer à la foire et tout le monde est emballé. Là. Il va même y avoir une off-foire. Oui, oui, et on va en parler. On a d'ailleurs quelqu'un de la off qui vient nous parler tout de suite après. Non, mais s'il y a une off, c'est comme... je vis à Montréal, mais c'est comme... Je prenais l'exemple du FTA, Festival Transamérique. Oui. Maintenant, c'est un autre nom. Mais il y a le OFTA qui est tout aussi officiel et qui a une programmation aussi professionnelle et qui n'est pas en compétition. Il n'y a pas de concurrence. Et comme disait Marie-Christine, il y a assez d'artistes ici pour faire de quoi. Alors, je pense que à l'origine, c'est des étudiants... De maîtrise. Hein? À la maîtrise, oui. Il me semble. Puis on ne le sait pas trop. Puis c'est très bien comme ça. Et... il n'y a pas d'animosité entre nous, en tout cas. On aura l'occasion d'en parler davantage. On prend une courte pause audio et on vous revient tout de suite après avec la suite de cette table ronde sur la Foire en art actuel de Québec. « Alors, de retour en studio avec toujours Jean-Pierre Morin, Marie-Christine Morin et Emmanuel Galland pour parler de la Foire en art actuel de Québec. Et on en a parlé tout récemment avec les artistes qui étaient de retour, des artistes de Québec de retour de la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert, qui nous mentionnaient que l'occasion de la Foire était presque comme un... Il l'avait décrit comme un vernissage perpétuel parce qu'il y avait sans cesse un contact avec les gens. Donc, ils étaient sur place, eux, pendant tout le week-end. La Foire est une foire comme tel, avec ce nombre d'artistes-là, il y a toujours une occasion d'échange, une occasion d'y participer aussi de différentes façons. Marie-Christine, vous avez monté un beau programme autour d'une belle programmation d'événements pour entourer cette foire en art actuel. Alors, pourrais-tu nous en parler un petit peu? Cette année, on a vraiment axé là, sur toutes sortes d'activités pour essayer justement d'amplifier la rencontre entre les acheteurs et les artistes. Parce que il y a rien comme, comme rencontrer l'artiste hein, pour découvrir son travail, avoir des nouvelles clés pour être capable d'interpréter ce qu'on voit sur les murs là. Alors c'est vraiment important. Moi comme collectionneur, en tout cas, j'en ai fait l'expérience souvent là. C'est vraiment un privilège là d'être capable d'échanger avec les artistes. Alors on a voulu multiplier les occasions. Donc il y aura plusieurs activités. Il y aura le samedi matin. Aide-moi Emmanuel, mais oui, Samuel Breton. Samuel Breton de 10h. À midi. À 13h, mais c'est pas grave. Il a dit midi, mais il m'a dit 13h. Oh, les artistes! Pour une performance sérigraphique, qu'est-ce que c'est? On a, c'est une extension qu'on a donnée à, dans Méduse à la foire, donc l'œil de poisson, vue qui embarque cette année, et puis en gramme, qui ouvrait sa porte comme ça spontanément. Alors on a développé cette idée d'atelier pour tout le monde, mais d'atelier pour assister à cette performance sérigraphique. Je pourrais pas vous en dire plus non pas parce que je veux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Puis c'est ça, il faut être là. Puis c'est quelqu'un, Samuel Breton, qui est très porté sur la médiation, la parole justement. Donc il va produire, il va produire sur place, qui seront à vendre. Oui, qui seront à vendre par la suite dans la foire, sur son mur. Lui, il est situé dans la galerie de vue aussi. C'est quelqu'un qui était par exemple au symposium de Baie-Saint-Paul cet été, qui a fait grand bruit aussi. Il a été à la bande vidéo. Coup de cœur du public à Baie-Saint-Paul. Du public, et actuellement il est finaliste pour le prix Relève en art visuel du Conseil de la culture de Québec et des Appalaches. Voilà, j'ai révisé avant de venir, donc je suis très très heureux. Quelqu'un de sympathique aussi, quelqu'un qui a son affaire, et vous allez voir son mur aussi, il a un 10 pieds linéaire là, avec son installation, c'est magnifique. En photo, lui aussi, qui fait pas vraiment de photos à la base, il fait de la vidéo, etc. Il y aura une autre activité le vendredi. On organise un 5 à 7, en fait c'est organisé par le Cercle des collectionneurs d'art actuel. Donc ça va être vraiment une rencontre avec deux artistes, Marie-Claude Boutier et Carl Bouchard. Donc l'une de Montréal et l'autre, comme on l'a dit tantôt, de Chicoutimi. Voilà. Alors on profite de leur passage à Québec là pour organiser cette rencontre. Parce qu'eux aussi se déplacent. Pour qu'il y ait du dialogue, il faut que les artistes soient là. Mm-hmm. Et donc, en l'occurrence, les artistes de Québec ont une plus grande facilité pour être présents. Donc la plupart vont être présents durant toute la fin de semaine, là, du vendredi au dimanche, de 10h à 17h. Je le dis, c'est entrée libre. Toutes les foires ne sont pas entrées libres. Mm-hmm. Et je pense pour la FIAC à Paris, c'est 30 euros pour rentrer là. Alors qu'on est mieux que ça, nous autres, non? Et donc, de 10h à 17h. Et les artistes de Montréal aussi, sur les 10 que je nommais tantôt, il y en a 8 qui viennent quasiment pour toute la fin de semaine. Donc je trouve ça très très heureux, parce que être devant son œuvre, attendre, c'est un peu plate, c'est un peu comme certains salons. Il y a le Salon des métiers d'art qui est très connu à Montréal, etc. Mm-hmm. C'est long, puis c'est... Mais de trouver des conditions d'échange, la parole, c'est ça qu'on voulait. Donc mm-hmm. le samedi après-midi, on aura aussi, là je vous en dis, mais allez sur le site web, à 14h, 15h, 16h, on a appelé ça les rendez-vous avec. Alors avec un directeur de revue, avec Bernard Lamarche qui est conservateur en art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec. Puis Marc Bellemare, qui est notre ancien président d'honneur, collectionneur mm-hmm. bien connu ici c'est à Québec. Ça. Oui. Et il y a même des occasions pour la famille aussi, un atelier famille avec les artistes de Colifichet. Exactement, dimanche matin. Alors, les enfants vont pouvoir se confectionner un petit sac à main, là, tissu, dessin sur tissu. Alors, ça va être bien chouette. Ça va se passer chez Fastoche. Génial. Et donc, ça, tout ça fait partie un peu de cette mission de la Foire en art actuel de Québec, et je cite votre mission, de démocratiser un peu cette... démocratiser l'achat d'œuvres d'art. Oui, c'est ça. Alors, n'ayons pas peur des mots, là. On est là pour vendre, hein. Et puis, il faut briser ce tabou-là de l'argent, de l'achat d'œuvres d'art. Il faut être millionnaire pour collectionner. Alors, nous, on est là pour dire c'est faux. Il y a des pièces, là, on regardait dans la salle, qui partent à 30 $ là. Et puis, ça va jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Mais alors, il y en a pour tous les goûts. Ça va même jusqu'à 30 000 pour une pièce qui est très, très spécifique. Ton prochain achat, Emmanuel. Oui, certainement. Mais l'idée, c'est aussi de démocratiser l'achat ou le lien entre des collectionneurs qui existent déjà, ou de développer des vocations de nouveaux collectionneurs. Et comment on commence? On commence par une œuvre à 100 $, une à 1000. Il y a des facilités de paiement aussi dans les galeries quelquefois. Mais il faut commencer par un coup de cœur. Mm-hmm. Alors, c'est ça qu'on veut créer, le dialogue entre tous, les professionnels de l'art qui vont être là, les amateurs d'art ou les simples visiteurs, simples dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Mais, oui, vas-y, et même les artistes collectionnent. Mais oui. Puis ça, c'est intéressant. Moi, j'ai une belle collection aussi. Puis... plein d'artistes le font. Oui, ben c'est intéressant de pouvoir commencer peut-être par faire des échanges entre nous quand on est étudiant. Alors, c'est un peu nous, comme ça qu'on a commencé notre collection aussi. Mm-hmm. Et puis, petit à petit, ben, on se ramasse avec des belles pièces. Et puis... voilà. Donc, une démocratiser cet échange-là, en fait, c'est vraiment à propos de l'échange davantage peut-être que même juste une question monétaire. Donc, on parle de donner plus d'accès à ces échanges-là. C'est une très belle mission et on espère que cet événement sera un grand succès. Donc, ça se tient du 24 au 27 novembre prochain. Toute une série d'activités. On peut aller voir votre site web pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Marie-Christine, Jean-Pierre et Emmanuel, d'être passés nous voir à CKRL. Merci. Alors, Alors, de notre côté, on vous laisse pour une courte pause publicitaire et on vous revient tout de suite après avec une deuxième table ronde, toujours sur la foire en art actuel de Québec. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde, animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Contre toute attente, en 1978, à la veille de réussir son pari de faire une carrière internationale en français... À ne pas manquer sur la fabrique culturelle... La série Écoute tes classiques est de retour en force et vous présente quatre carrières ou albums marquants de la chanson populaire au Québec. C'est alors que la musique d'harmonium était presque mystique. Le 40e anniversaire de la parution de l'heptade d'harmonium. Donc, si on fait le calcul rapidement, en 3 ans seulement, harmonium est devenu le groupe de l'heure au Québec. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Viens voir le paysage. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au restaurant Pub Le Dorset, 65 rue de Buade, à Québec. dorsetrestaurant.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Liki BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 27 novembre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liki BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, likibd.com. Une heure par semaine, le 9e art prend d'assaut les ondes de CKRL lors de l'émission La vie en BD. Entrevues, discussions, événements, découvertes. Animé par Raymond Poirier, accompagné par une équipe de collaborateurs passionnants, La vie en BD, c'est votre porte d'entrée vers l'univers de la bande dessinée, de l'illustration et du cinéma d'animation, avec un regard particulier sur la BD d'ici. La vie en BD, les vendredis 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Le Théâtre Niveau Parking présente Fire Lake, ville minière, 1986. Mise en scène par Lorraine Côté. J'ai un trou à l'intérieur de moi, puis toi avec. C'est tellement grand que si on est d'un bord, on voit pas l'autre. Les habitants s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour survivre. Tu penses que tu peux le remplir avec quelque chose? On pourra jamais le remplir, Joseph. Fire Lake, du 8 novembre au 3 décembre au Théâtre Périscope. Pour réservation, 418-529-2183 ou sur pointdevente.com. L'Orchestre symphonique de Québec vous invite au Cirque de la Symphonie. Un mariage éblouissant entre les arts du cirque et la musique symphonique où musiciens, acrobates, jongleurs, contorsionnistes et équilibristes se côtoieront. Ne manquez pas ce rendez-vous spectaculaire les 25 et 26 novembre au Grand Théâtre de Québec à 20h. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Alors, on est de retour pour cette seconde partie de l'émission de l'aérospatiale de ce soir. Et encore une fois, on a réuni autour de la table 3 personnes qui sont d'autres collaborateurs, qui ont d'autres points de vue sur cet événement qui est la Foire en art actuel de Québec. Alors, avec moi en studio, j'ai Paul Brunet de la Galerie Lacerte. Bonsoir, Paul. Bonsoir. J'ai également Vincent Hinz, qui est membre du collectif Acapulco, qui est un des nombreux artistes qui est représenté à la foire. Alors, bonsoir. Bonsoir. Et il y a aussi Julie Bouffard avec nous, qui est artiste également et qui vient pour nous parler de cet événement alternatif dont on a glissé quelques mots en début d'émission, la OFF Foire. Bonjour, Julie. Bonsoir. Alors, merci à vous trois d'être ici. Et on voulait aborder ces différents enjeux-là, non seulement des gens qui sont dans l'organisation de la foire, mais des collaborateurs, donc des galeristes qui participent. Et surtout des artistes, parce qu'à l'aérospatiale, on aime ça avoir des points de vue d'artistes. Alors, tout de suite, peut-être que je lancerai une question à Vincent. Vincent, de ton point de vue d'artiste, là, une foire, c'est évidemment un lieu de diffusion, c'est un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu d'échange. Qu'est-ce qui est particulier avec la participation à une foire, plutôt que, je pense entre autres à vos projets, vous avez fait des projets dans l'espace public, vous avez présenté dans toute une variété de contextes. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à présenter dans une foire? Qu'est-ce qui est spécial à présenter? En fait, dans notre cas, comme tu dis, ouais, nos projets antérieurs ont été presque exclusivement des œuvres dans l'espace public. Donc, pour nous, la foire, ça représentait un défi, puis en même temps une opportunité. Je pense que depuis déjà un petit moment, on commençait à réfléchir à cette idée-là de disons changer de format pour peut-être s'ouvrir autant d'autres possibilités de diffusion que d'autres possibilités de création, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Dans notre cas, ça a été une occasion peut-être de revisiter certains thèmes, certaines choses avec lesquelles on travaille depuis quelques années, mais dans un autre format et tout ça. Puis on est assez content en fait de ce que ça donne. Je pense que c'est ça. Dans le cas ici, pour nous, la foire devient une occasion de peut-être mettre à l'épreuve un peu ces nouvelles œuvres-là. C'est un contact assez direct quand même. Ça, c'est très intéressant comparé peut-être à une exposition dans un centre d'artistes où, tu as un vernissage, évidemment, mais après, le reste de l'expo, tu n'es pas là, tu sais. Mm-hmm. Tandis que pendant la foire, tu as des gens qui peuvent être réellement intéressés à ton travail, qui viennent te parler directement, qui viennent te poser des questions, qui sont au courant de ce que tu fais. Mm-hmm. Puis je dis tout ça, puis j'ai jamais fait partie d'une foire, fait que... Ça sera une première expérience. Exactement, voilà. Et il y a aussi tout cet aspect, on l'évite, on le contourne, mais une foire, c'est pour vendre des œuvres aussi. C'est un contact, une entrée dans le marché de l'art. Et il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans le réseau des centres d'artistes, qui présentent leur travail dans toutes sortes de lieux de diffusion, mais cette porte d'entrée vers le marché de l'art est très intéressante. C'est une des portes d'entrée. Il y a aussi, évidemment, les galeries commerciales. Alors, on a la chance d'avoir Paul avec nous ce soir. Et la galerie La Certe participe pour une autre année. Donc, ce n'est pas la première participation de La Certe à cette... Non, il participe depuis le début. Moi, ça va être ma première participation en tant que galeriste, par exemple. OK. Et qu'est-ce qui est intéressant pour un galeriste, donc, de participer à cette la plupart des artistes, en fait, ne sont pas représentés par des galeries. Vous avez la chance d'amener un de vos poulains. Quel artiste vous allez présenter? Qu'est-ce que vous nous réservez? On va présenter le travail du photographe Yvan Binet. Ça a été choisi avec Emmanuel, dans le fond, parce que cette année, l'orientation était plus photographique aussi à la foire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec une foire? On essaye de vendre un de nos artistes, c'est sûr et certain. Aussi, la particularité qu'il y a avec la foire de Québec, qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart des artistes sont pas représentés. Donc, nous, ça nous permet de voir des artistes que parfois des surprises qu'on connaissait pas nécessairement ou qu'on connaissait pas vraiment leur travail et qui sont pas représentés par une galerie. Donc, des gens qu'on pourrait recruter aussi dans notre cas. En ce moment, on est un peu dans ce processus-là. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose de très intéressant pour nous de voir ça à ce moment-là. Et est-ce que, de ton expérience de galeriste, donc travailler dans le marché de l'art de Québec, est-ce que ce marché de l'art-là est très développé? Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Ou est-ce que c'est encore un marché qui est à grandir? Je vous dirais que la galerie La Certe, on a deux succursales, une à Québec et une à Montréal. Je vous dirais que le marché de l'art fonctionne plus à Montréal qu'à Québec. En ce moment, à Québec, je pense qu'il y a beaucoup de développement à faire. La foire, justement, est un des événements qui peut aider, justement, à développer un marché. Puis je pense qu'à date, ça a très bien marché. C'est ça. Il y a quand même des collectionneurs et un marché à Québec. Mais il est vraiment en développement comparé au marché que nous, on a à Montréal. Mm-hmm. Donc, la FAR fait un peu ce travail-là de créer des ponts encore plus grands, peut-être, entre le marché et tout ce bassin d'artistes qui existe à Québec, vivant et très, très dynamique. D'ailleurs, on l'a remarqué là, à la foire de Saint-Lambert, plein d'artistes de Québec. Encore une fois, cette fois-ci, les artistes de Québec sont un bon contingent à la foire en art actuel. Et la foire fonctionne si bien, ou en fait, c'est peut-être un signe de santé qu'il y a eu le besoin il s'est ressenti le besoin d'établir une off-foire. Alors, Julie, je te laisse nous présenter un peu cette initiative. Oui, ben le off-foire en tant que tel, ben ça se dit un peu ce que c'est. C'est un événement, dans le fond, qu'on veut vraiment en marge de la fac, dans le fond, le foire en art actuel. C'est pas un événement, dans le fond, qui est en négation envers, justement, là, la fac, mais c'est vraiment un événement plus qu'on voit comme plus satellite qui... Dans le fond, notre but, c'est de proposer vraiment autre chose, d'élargir, dans le fond, les propositions, ce qui est à voir, présenter d'autres artistes aussi qui sont pas présentés, parce que veux pas, tu sais, on peut pas tout mettre à l'œil, tout mettre à vue, c'est quand même beaucoup, là, mais tu sais, justement, avec le nombre de personnes, le nombre d'artistes qu'il y a, puis aussi, c'est de mettre en valeur une pratique, il y a un peu plus d'ateliers, si on veut aussi, vu que nous autres, dans le fond, ça se passe en trois lieux. Premièrement, mon atelier, donc l'atelier, on n'a pas encore vraiment de nom, là, mais qui est sur la rue des Voltigeurs. On a l'atelier aussi Philippe, qui est le plus connu dans tout ça, qui est Philippe, en haut de... Philippe Soldevilla, qui on connaît peut-être pour ses murales, son travail de muraliste, oui. Que eux sont juste en haut de Méduse, dans le fond, Côte d'Abraham, là, tout près. Et aussi, il y a le roulement à billes, dans le fond, qui sont les ateliers de la maîtrise de l'Université Laval. Fait que dans ces trois lieux-là, dans le fond, c'est sûr que c'est ce qui ressemble, dans le fond, c'est tous des ateliers. Donc, c'est des pratiques qui sont vraiment actuelles, qui sont... La majorité des œuvres présentées, c'est des choses qui viennent d'être faites, qui sont faites cette semaine même, là, pour certains. Là. Mm-hmm. Mais c'est sensiblement ça qu'on voulait faire, vraiment apporter des gens aussi à venir nous voir, justement, dans notre contexte d'atelier, de voir que les gens puissent voir, dans le fond, des œuvres dans leur contexte même de création, là, mm-hmm. qui est une expérience tout à fait haute. Que justement de les voir tourner des murs blancs. Oui. D'ailleurs, Emmanuel Galland, le commissaire, parlait tout à l'heure de son expérience quand il était rentré dans l'atelier d'Acapulco. Il avait regardé un peu le travail et il y a eu une expérience qui s'est passée là dans l'atelier. Donc, on va avoir il nous parlait de ces nouvelles directions où, en fait, vous allez présenter un travail qui est un petit peu différent de ce qu'on voit mm-hmm. habituellement des installations. Ouais. En fait, le travail que moi, je connais d'Acapulco et surtout des installations à l'extérieur et tout ça dans l'espace public. Donc, ça fait du bien de ne pas avoir à se soucier que ça tombe sur la tête des gens. Oui. C'est super. Cette responsabilité-là est à l'œil de poisson oui, et à vue photo. Donc, ça, voilà. Oui, on laisse ça aux autres. C'est super. Qu'est-ce que vous allez présenter? On va avoir quatre nouvelles sculptures, donc de formats variés, mais de format foire, on mm-hmm. va dire ça. Format, je pense, collectionnable. Mm-hmm. On va dire ça comme ça. Mm-hmm. Puis sinon aussi quelques impressions photos. Ça faisait un moment que ça nous chatouillait, je pense, on avait envie de ça, parce que bon, c'est des tirages photos qui sont qui proviennent d'œuvres antérieures, justement d'installations qu'on a fait dans le passé, d'installations extérieures, donc qui à la base était d'abord un acte d'archivage photographique, puis finalement ben on est allé en allant, il y a plusieurs photos là-dedans qui ont été prises, puis qu'on a toujours trouvé qu'il y avait un intérêt qui dépasse la simple archive. Parce qu'elles ont peut-être un cadrage qui est très qui est plus serré, puis que finalement ben quelqu'un qui connaît pas l'œuvre d'où elle est tirée, ben peut carrément juste voir ça comme une composition en soi. Mm-hmm. Puis aussi je pense que c'était dans notre cas un peu le questionnement par rapport à une pratique comme ça qui est dans l'espace qui se fait dans l'espace public. À la fin, qu'est-ce qui reste? Il mm-hmm. reste des matériaux qu'on démonte, qu'on stocke. L'œuvre, elle n'existe plus. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, la photographie peut pas devenir un peu comme en performance, c'est ce qui nous reste de l'œuvre? De documenter un peu. C'est ça, puis qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle transcende juste la simple documentation de l'œuvre. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, c'est intéressant, en fait, d'avoir à créer des œuvres, comme tu disais, en gros guillemets, peut-être format foire, mm-hmm. ça permet d'explorer des nouvelles avenues qui seraient pas, qui n'auraient pas émergé autrement. Mm-hmm. Donc, c'est une belle occasion. On parle d'artistes de la relève, d'artistes émergents. Avec la OFF, vous êtes vraiment allé dans... Vous êtes des artistes dans l'émergence. Oui. aussi, dans le marché de l'art en général, il y a une place qui est peut-être de plus en plus grande qui est faite pour la relève. Je relance la balle à Paul. Peut-être que vous avez des artistes de la relève que vous exposez, dont... En ce moment, Olivier Dessert, oui. Et qu'on aura la chance d'avoir à l'émission la semaine prochaine, d'ailleurs. Oui. Donc, il y a quand même une place dans le marché de l'art pour les artistes émergents. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est en croissance ou... Je dirais que ça dépend, mais moi je pense que c'est vraiment important comme galeriste de justement aller prendre des risques puis essayer avec de jeunes artistes, puis leur donner une chance, puis une première expérience aussi en galerie. Puis je pense que c'est ça qu'on a essayé de faire aussi avec Olivier Dessert, qui a fourni une très belle exposition que je vous invite à aller voir. Oui, donc vraiment ce passage de l'atelier vers la galerie permet d'explorer certaines choses et certainement dans le cadre à la fois de la OFF et de... Ben, il est dans notre atelier aussi, donc vous pourriez voir son travail d'atelier également, puis passer chez la CERT après. Bien sûr! Alors, c'est une invitation. Oui! Olivier, qui est dans lequel de ces ateliers-là? Il est dans notre atelier, dans le fond, l'atelier sur la rue des Voltigeurs. La rue des Voltigeurs, donc en face du 560, la grosse porte rouge. Exactement. Voilà. Alors, vous saurez où les trouver, et ça va être jeudi soir, donc il y aura tout un vernissage. Oui. Si jamais on veut rencontrer le collectif Acapulco, on pourra vous rencontrer sur place à la foire durant toute la durée de la foire. On va être là le soir du vernissage. Je pense que ça commence à 5h30 jusqu'à très tard, de ce que j'ai compris. Oui, sûrement qu'on va être là un moment ou un autre durant la fin de semaine aussi. Donc, toute une soirée en perspective. On est chanceux à Québec d'avoir ces beaux événements. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Alors, merci Paul, merci Vincent et merci Julie. Et on invite tous les auditeurs, auditrices à aller voir la foire en art actuel du 24 au 27. Et il y a toutes sortes d'événements. N'oubliez pas d'aller voir sur la page web pour avoir tous les détails. Et pour ce qui est de la OFF, c'est sur la page Facebook qu'on peut trouver toutes les adresses. L'événement est là. Sur les affiches aussi, on a fait un plan, vu que c'est pas très clair. Vous ne pouvez pas vous perdre. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, on avait déjà des petits avant-goûts avec quelques photos qui ont été publiées. Exactement. Ce soir, même juste avant l'émission. Juste un petit teaser là, pour permettre aux gens de donner un goût de venir nous voir. Là. Alors, on y sera ce jeudi. Merci beaucoup. De notre côté, on fait une courte pause audio et on vous revient tout de suite après. We'll be right back. Alors, une autre belle émission de l'aérospatiale qui s'achève, mais juste avant, je vous présente l'agenda de la semaine qui est assez chargé cette semaine. Alors, toutes sortes de suggestions de sorties et de visites reliées aux arts visuels à faire. Et d'ailleurs, ce mercredi, donc demain, pour celles et ceux qui s'intéressent aux métiers d'art et aussi à leur portée politique, c'est un thème qui revient d'ailleurs souvent dans le travail de plusieurs artistes contemporains. Il y aura une conférence de Jeanne Couture. Jeanne Couture qui est une des cofondatrices de la Foire en art actuel de Québec. Donc, voilà, elle est toujours bien active et elle présente une conférence qui s'appelle « Les cercles de fermières, de l'artisanat à la prise de parole politique ». Donc, ça risque d'être très intéressant de midi à 13h à la Maison des métiers d'art qui est située au 367 Charest-Est. Et jeudi, alors là, jeudi, ça sera toute une soirée et il faudra bien planifier votre itinéraire parce qu'il y aura beaucoup de choses à voir et à faire. Et tout ça commence peut-être par le lancement double, en fait, des publications « Fabriquer l'improbable » et « Faire avec ». Ce sont deux publications qui prolongent la lecture, qui prolongent la réflexion sur deux expositions qui se sont tenues, une à Est-Nord-Est, un centre d'artistes de Saint-Jean-Port-Joli, et l'autre au centre Anne-Marais, aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, ce sont deux publications qui seront lancées en formule 5 à 7 à la Chambre blanche, et il y aura sur place des artistes, des collaborateurs, commissaires qui ont participé à ces publications. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on vous vend tous les scoops avant, mais on aura aussi une entrevue avec Véronique Leblanc qui a participé à la publication de Fabriquer l'improbable. Alors ça, ce sera jeudi soir en formule 5 à 7 à la Chambre blanche. Et ensuite, bien entendu, le vernissage de la Foire en art actuel de Québec. Pour les gens très importants, pour les VIP, ce sera en formule 5 à 7 et les billets sont disponibles en ligne sur le site de la FAC. Et sinon, dès 19h30, c'est pour le grand public. Et comme l'a dit tout à l'heure Vincent Hinz, ce sera jusqu'à tard. Donc, vous pourrez finir ou commencer la soirée au vernissage de la fac. Et n'oubliez surtout pas d'aller faire un tour à la OFF fac. Donc, ça se passe dès 20h dans plusieurs ateliers d'artistes du quartier Saint-Roch. Vous avez la carte sur le site, la page Facebook, pardon, de l'événement. Alors, vous pouvez aller voir ces artistes directement dans leurs ateliers et ce sera une belle occasion de découverte. Vendredi, pour les amateurs et amatrices d'exploration sonore musicale, il y a un spectacle qui allie musique électronique et vidéo. C'est un spectacle monté par le collectif Erreur de type 7 avec l'artiste Herman Colgan et Louis Dufort. Et c'est présenté à la salle multi du complexe Méduse. Alors, ça s'appelle Fréquence Vidéo Musique. C'est présenté à 20h et les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. C'est précédé aussi à 15h d'une conférence gratuite avec l'artiste Herman Colgan, donc sur son travail. Ce sera également à ne pas manquer. Toute une série d'événements aussi en lien avec la foire. On en a parlé. Il y en a vraiment plusieurs. Vous avez l'embarras du choix selon ce que vous avez envie. Je vous rappelle la rencontre avec les artistes Carl Bouchard et Marc-Claude Boutillier qui est présentée par le Cercle des collectionneurs de Québec à 17h. Ou là encore, la performance sérigraphique avec Samuel Breton qui risque vraiment d'être quelque chose. Là, ça, c'est samedi matin à 10h à Engrammes. Ou encore, si vous êtes avec des plus petits, il y a l'atelier pour la famille dimanche matin qui sera préparé et présenté par le collectif d'artistes Colifichier. Alors vraiment, toutes sortes de choses ce week-end. Et en fait, c'est le dernier week-end aussi pour voir certaines expositions, dont l'exposition « Infrastructure » d'Aurel Ferrier à la bande vidéo. L'exposition « Journée de course Race Day » de Tim Moore à la Galerie 3. Et également, c'est la dernière fin de semaine pour voir l'exposition de Rita Le Tendre à la Galerie Michel Dumont. Et j'en profite pour vous parler en fait de Rita Le Tendre qui a obtenu le prix Paul-Émile Bordua, donc elle est la lauréate de cette année. C'est vraiment un prix qui récompense une carrière exceptionnelle pour un artiste en art visuel. Elle l'a obtenu à 88 ans, c'est la 10e femme à l'obtenir. Et elle mentionnait d'ailleurs que c'est grâce à l'influence de Bordua lui-même qu'elle s'est lancée dans les explorations picturales abstraites qui ont fait un peu sa marque de commerce. Donc le travail d'une grande dame des arts visuels à découvrir, et c'est à la galerie Michel Dumont en ce moment et pour une dernière fin de semaine. Alors, c'est ainsi que s'achève cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez nous rattraper en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatialeckrl.wordpress.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et notre Instagram. Un grand, grand merci à nos invités, Marie-Christine Morin, Jean-Pierre Morin, Emmanuel Galland, Paul Brunet, Julie Bouffard et Vincent Hinz d'Acapulco. Un merci spécial à Jacques Gignac, notre magicien des ondes, et aussi à Jean-Tiane Lafrance et Audrey Carreau qui nous écoutent à distance, nos comparses. Demeurez à l'écoute de CKRL parce que juste après la pause, vous avez l'émission de cinéma Situation critique avec Pierre Blais et son équipe. Bonne semaine à tous! Pierre